السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، nous poursuivons la lecture du livre صحيح الأدب المفرد du grand imam Muhammad ibn Ismail الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Et nous sommes arrêtés au chapitre بابٌ من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. Nous reprenons donc au chapitre quiconque invoque pour son compagnon d'accroître ses biens et ses enfants. Ce qui est voulu par cet intitulé, est-ce que il est bon pour nous d'invoquer en faveur de nos amis, de nos proches, de demander à Allah Azzawajal de leur accorder beaucoup d'argent et beaucoup d'enfants. Est-ce que ceci est convenable ou non? Voici la sagesse pour laquelle l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre. عن أنس رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أن أمي وأمي حرا أن أمي وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت الصلاة فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أدعو الله له فدعا لي بكل خير وكان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. Anas, radiallahu anhu, nous dit « Un jour, j'entrais chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait que moi, ma mère et ma tante, Umm Haram. » La sœur, donc, de sa mère. Il entra et nous dit, donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Voulez-vous que je guide la prière pour vous ?» Ceci n'était pas le temps de prière, c'est-à-dire, ça n'était pas le temps d'une prière obligatoire. Une personne demanda alors, « Où plaça-t-il Anas ?» C'est-à-dire, dans la prière, « Où a-t-il placé Anas ?» Il répondit, « Il plaça Anas à sa droite et pria devant nous. » Ensuite, il invoqua Allah en notre faveur. Nous, les gens de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout le bien possible de ce bas monde et de l'au-delà. Puis ma mère a dit, ô messager d'Allah, et ton petit serviteur, invoque Allah en sa faveur. Il demanda pour moi tout le bien possible, et à la fin de son invocation, il dit, ô Allah, accrois ses biens, ses enfants, et bénis-le dans cela. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous raconte cette histoire et ce moment ô combien important dans sa vie, qui a eu des répercussions grandement positives. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière pour eux et invoqué en sa faveur. Un homme a posé la question. Il a prié avec vous et parmi les garçons, il y avait Anas. Où a-t-il placé Anas durant la prière? Il a mis Anas à sa droite. Et de cela on tire une grande science, c'est que celui qui prie avec un homme, alors qu'il préside la prière, devra mettre cet homme à sa droite. Et non pas un peu derrière lui, un peu en retrait comme le font certains. Puis les femmes se mettront derrière ces deux hommes. Ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a présidé la prière en groupe, et ça n'était pas un moment de prière obligatoire. Mais il en a fait une nafila, une prière recommandée, ou une prière recommandée na'am, de manière absolue. Puis il a invoqué en leur faveur. Puis il a invoqué en leur faveur tout le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Et tout cela entre dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ad-du'a. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِي. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui s'enorgueillissent face à mon invocation ou mon adoration entreront en enfer avili. Donc, ad-du'a est une adoration. Que tu demandes une chose de ce bas monde à Allah ou une chose de l'au-delà, tout cela entre dans l'adoration. Et ad-du'a ne se demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce dans quoi seul Allah azza wa jal est capable. Donc, il a invoqué Allah azza wa jal en leur faveur pour les choses de dunya et pour les choses de l'au-delà. Et là, la mère de Anas ibn Malik, Umm Sulaym radiallahu anha, cette noble femme parmi les compagnons, a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, « Ya Rasulallah, khuwaydi muk, ô messager d'Allah, ton petit serviteur. » Et al-musaghar ici n'est pas utilisé pour mépriser la personne ou la rabaisser, non, mais pour s'attirer les faveurs, pour adoucir le cœur, pour toucher en plein cœur, pour susciter la douceur, l'affection, la bonté et la générosité, la bienfaisance. Donc Umm Sulaym a eu cette grande sagesse dans l'utilisation des mots. Et l'utilisation des mots, c'est un grand chapitre en islam. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Il nous dit également, وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا. Il dit à mes serviteurs de dire ce qu'il y a de meilleur. Surat Al-Isra. Et dites aux gens le bien. Donc l'utilisation des mots a la plus haute importance. Lorsque la femme s'exprime avec un mot, elle peut apporter énormément de bien à sa personne, à son foyer, à sa descendance. Tout comme avec un mot, elle peut être privée de grandes bénédictions. Ici, elle dit « Khouaïdimouk ». Elle n'a pas dit « Anes », elle n'a pas dit « Khadimouk ». Elle a dit « Khouaïdimouk ». Elle a eu cette grande science, cette grande sagesse dans l'utilisation des mots les plus adéquats. Na'am. Et Allah Azza wa Jal l'a guidée et l'a orientée à cela. « Khouaïdimouk Anes ». On voit ici l'importance de la mère dans l'éducation de l'enfant et son futur. Allah Azza wa Jalla a facilité à Anas ibn Malik, une mère des plus pieuses, des plus nobles, Umm Sulaym radiallahu anha. Et elle a compris que la réforme de l'enfant passait par la volonté d'Allah. Et le muslih, celui qui réforme, celui qui guide, celui qui oriente, c'est Allah Azza wa Jal. Donc, elle savait que ce pouvoir n'était ni dans ses mains, ni dans les mains de la meilleure créature d'Allah, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement auprès d'Allah. Donc, elle a demandé à la meilleure créature d'Allah de demander à Allah, le Seigneur unique, immense, généreux. Donc, le prophète alayhi salatu wa sallam a invoqué. Il a demandé à Allah Azza wa Jal beaucoup de choses pour Anas. Mais parmi ce qu'il a demandé, akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Accrois ses biens, ses enfants et bénis-le dans cela. Bénis-le dans cela. Et remarquez qu'à la fin, il demande la baraka, la bénédiction dans ce qu'il demande pour lui comme abondance. Car l'abondance sans la bénédiction n'est pas bénéfique, n'est pas utile ni profitable. Ça peut être au contraire une punition et un malheur en réalité. Ça peut être une cause de regret et d'égarement. Les biens, s'ils ne reposent pas sur la bénédiction d'Allah Azzawajal, ça sera un mal sur lequel il sera questionné le jour de la résurrection. Dans certaines versions du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allahumma atil hayata » ou « Allah allonge sa vie »« Waghfir la » et « pardonne-lui » et « pardonne-lui ». Anas ibn Malik nous dit une chose grandiose. Il dit « Dafantu mi'ata wa thalathan » ou plutôt « mi'at na'am mi'atan wa thalatha min waladi » Il dit « J'ai enterré une centaine d'enfants. » Et lorsqu'on dit une centaine d'enfants, 103, il dit ça englobe ses enfants et ses petits-enfants. Ça englobe ses enfants et ses petits-enfants. Plus d'une centaine. Il y a une centaine, subhanallah. Il dit également que ses fruits, donc sur ces arbres fruitiers, poussaient deux fois dans l'année, alors que les autres, pour les autres, ils poussaient une seule fois. Il est donc devenu un des Ansar les plus riches de Médine. Et il nous dit, « Wa talat hayati hatta stahyaytu minan nas » Allahu Akbar. Il dit, « J'ai vécu tellement longtemps que j'avais honte du regard des gens. J'ai vécu tellement longtemps que j'avais honte des gens. » Wa arjul maghfira. Puis il nous montre la plénitude de la modestie qu'avaient les compagnons. Il montre dans sa vie, dans le concret, la manifestation, l'exaucement, naam, de ce que le prophète avait demandé pour lui. Mais arrivé au pardon d'Allah, il dit « Wa arjul maghfira ». Il dit « Et j'espère le pardon ». Allahu Akbar. Il dit « J'espère le pardon ». Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran « Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa » Et ne vantez pas votre propre pureté. Il est plus savant des pieux. Il est plus, c'est le plus savant, na'am. Il est plus savant, na'am, des pieux parmi vous. Donc, la réponse, oui, on peut invoquer en faveur d'autrui avec cette invocation, demande Allah Azza wa Jal, qui lui accorde des biens en abondance ainsi que des enfants. Le chapitre suivant, Babu al-Walidatu Rahimat. Le chapitre suivant, les mères sont compatissantes. Les mères sont pleines de pitié. La miséricorde de la mère est ce qui est mentionné en exemple pour la plénitude de la miséricorde entre les créatures. C'est pour cela que dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu rapprocher à l'esprit des compagnons que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dépasse tout, il leur a cité en exemple une femme qui avait perdu son enfant, elle le cherchait, et lorsqu'elle le trouva, elle le porta, elle le couvra, elle l'allaita. Et devant cette image touchante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Atarawna hadhi tarihatan waladaha finnar » Voyez-vous cette femme capable de jeter son enfant dans le feu? Ils lui ont dit non, tant qu'elle en a la capacité. Non, tant qu'elle en a la capacité. Puis le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit L'Allah arhamu bi'ibadi min hadhi waladiha. Allah encore plus de pitié envers ses serviteurs que cette femme en a envers son enfant. Envers son enfant. Et les exemples ne manquent pas. Les exemples ne manquent pas. Et peut-être chacun d'entre nous avons une histoire personnelle avec notre mère qui témoigne de cela. Et on mentionnera que un ou deux exemples, mais chacun, je pense, doit avoir un exemple de cela. Donc, il y a de cela, yani quelques années, un bateau a coulé dans la mer Rouge et des centaines de personnes sont mortes noyées. Des centaines de personnes sont mortes noyées et le bateau ayant pris feu et d'autres brûlés. Et parmi ceux qui ont été sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala, un homme a raconté une vision, une chose qu'il a vue, na'am, une chose extraordinaire, une chose sensationnelle, une chose marquante. Il a dit, lorsque le bateau se mit à chavirer, les gens ont commencé à tomber. Et lorsqu'il a commencé à couler, les gens ont commencé à tomber. Et parmi eux, j'ai aperçu une femme qui s'est mise dans un coin du bateau et s'est accrochée à une barre. Et elle a commencé à allaiter son enfant. La hawla wa la quwwata illa billah. Elle a commencé à allaiter son enfant. Alors que la noyade commençait, alors que les gens mourraient, elle s'est mise dans un coin, elle s'est accrochée, elle a commencé à allaiter son enfant. Pourquoi cela? Afin qu'il ne tombe pas dans l'eau, si ce n'est en étant rassasié. Allahu Akbar. Jusqu'à la dernière seconde, elle fait tout ce qu'elle peut alors qu'elle voit la mort entre ses yeux devant elle. Alors qu'elle voit l'eau sous ses pieds face à elle. Mais son seul souci, le bien-être de son enfant, avant une mort certaine, avant une mort certaine, elle allait son enfant. Allahu Akbar. Une miséricorde qu'Allah a mis dans le cœur des mères. Une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à ces nobles femmes. Et celui qui voit ce chapitre, Al-Walidatu Rahimat, les mères sont compatissantes, pleines de miséricorde, est-ce qu'il lui convient par la suite d'avoir, yani de répondre à cette miséricorde par la dureté, par la méchanceté, par la critique, par la désobéissance, par le fait d'élever la voix sur sa mère? Ou alors il convient de baisser l'aile de l'humilité et de se montrer obéissant, aimant et à son service. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, ainsi que la bienfaisance envers les parents. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Si tous deux ou l'un d'eux atteint un âge avancé, ne lui dis pas ouf, ne sois pas rude envers eux, mais dis-le, prononce-leur plutôt des paroles agréables. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Abaisse pour eux l'aile de l'humilité par miséricorde. Par miséricorde. Et dis, ô mon Seigneur, aie pitié d'eux, tout comme ils m'ont élevé étant petit. Tout comme ils m'ont élevé étant petit. Et est-ce que la réponse à la bienfaisance doit être, si ce n'est la bienfaisance? Allahu Akbar. Aïcha, ou plutôt avant ça, Anas ibn Malik radiallahu anhu, ja'at imra'atun ila Aïcha radiallahu anha, fa'a'tatha Aïchatu thalatha tamarat, fa'a'tat kulla sabiyyin laha tamra, wa amsakat li nafsiha tamra. فأكل الصبيان التمرتين فنظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة رضي الله عنها فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها صبيها أو صبييها. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, rapporte une femme vint auprès de Aïcha, radiallahu anha. Cette dernière lui donna trois dates. La femme donna une date à chacun de ses enfants et en garda une pour elle. Les deux enfants mangèrent leur date, puis regardèrent leur mère en désirant la date qu'elle avait. Elle la coupa alors en deux et donna à chacun un bout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva. Aïcha radiallahu anha l'informa de la scène. Il a dit, qu'est-ce qui t'étonne dans cela? Allah lui a fait miséricorde, tout comme elle a fait miséricorde à ses deux enfants. Tout comme elle a fait miséricorde à ses deux enfants. Voici un hadith magnifique qui témoigne de la miséricorde qu'Allah Azza wa Jal a mis dans le cœur des mères. Donc, Anas ibn Malik nous dit qu'une femme est entrée auprès de Aïcha radiallahu anha. C'était une femme dans le besoin. C'était une femme dans le besoin qui est donc venue demander à Aïcha radiallahu anha de l'aide. Aïcha, bien qu'elle ne possédait pas grand-chose, avait une grande confiance en Allah Azza wa Jal et recherchait constamment sa récompense. Elle ne donnait aucune importance à ce bas monde. Elle lui a donc donné trois dates. Combien étaient-ils? Ils étaient trois, la mère et les deux enfants. Aïcha lui a donné deux dates. Qu'a fait la mère? Elle a donné une date à chacun des enfants, elle a gardé la troisième. Parce que elle-même est dans le besoin, et elle-même a faim, et elle-même a besoin de consommer, de manger ce qui va maintenir sa personne. Que s'est-il passé? Les deux enfants ont mangé leur part. Puis, ils ont regardé leur mère. On n'a même pas la mention qu'ils lui ont réclamé oralement, qu'ils lui ont demandé, non. Mais, on imagine qu'ils se sont tenus face à elle, et l'ont simplement regardé. Naam, c'est une femme qui a faim. C'est une femme qui est venue demander devant la difficulté de cette situation. Elle n'a qu'une date dans la main. Elle s'apprête à la manger. Mais il lui reste. Yani, mais les enfants sont restés sur leur faim. Naam, qui peut imaginer cette miséricorde? Qu'a fait cette femme? Elle a coupé en deux la date qui lui restait. Et elle a donné à ses deux enfants de manière, et elle a même respecté l'équité. En cela, jusqu'à s'oublier. Elle est restée dans sa faim. Voici une image étincelante. Une image des plus lumineuses de la miséricorde de la mère envers ses enfants. Aïcha a été touchée par cette scène et a été étonnée. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, elle lui a raconté. Naam, elle lui a raconté. L'épouse vient auprès de son époux, elle accueille son époux. Naam, elle prend soin de son époux. Elle, yani, elle peut être amenée à lui mentionner. Naam, elle peut être amenée à lui mentionner des choses qui se sont déroulées ou qui l'ont étonnée, ainsi de suite. Et parmi ceux qui avaient grandement étonné Aïcha, bien évidemment, cette scène, en lui ayant raconté, Naam, en lui ayant raconté, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: وَمَا يُعْجِبُكِ مِنْ ذَلِكَ. Et qu'est-ce qui t'étonne en cela? لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا بِصَبِيَّيْهَا. Allah lui a fait miséricorde de par la miséricorde qu'elle a eue envers ses deux enfants. Et cette rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur des mamans, des mères, est elle-même une cause pour qu'Allah azzawajal fasse ses miséricordes à ces mêmes mères, ces mêmes mamans. Comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui ont de la pitié, ceux qui ont de la miséricorde, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Naam, leur fera miséricorde. Et de là, les savants nous disent que même cette pitié que la femme a, vers laquelle Allah Azza wa Jalla l'a guidée, elle doit en espérer la récompense. Car c'est une cause pour qu'Allah ait pitié d'elle. Donc toute la douceur qu'a la mère, toute la miséricorde qu'elle a, toute la pitié qu'elle a, et qu'elle fournit dans l'éducation de ses enfants, cette miséricorde qui est le moteur de l'éducation de ses enfants, de l'orientation, de la douceur ou de la sévérité, de la rigueur, de l'excuse ou de la sanction, tout cela est basé sur quoi? Repose sur la miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas la faiblesse, le laxisme, et ne pas orienter ses enfants et laisser les enfants commander. Non. La pitié, elle doit pousser à faire ce qui est bon pour eux, afin qu'ils grandissent et soient des exemples. Et soient des exemples aimés par Allah Azza wa Jal, aimés par les créatures d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ses serviteurs. Donc cette miséricorde, il faut en espérer la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Une mère pourrait se dire, j'ai toujours été pleine de miséricorde envers mon enfant, je lui ai donné une éducation, mais le voici désormais grand, ingrat, égaré, mauvais. Les savants nous disent, l'éducation, la guidée appartient à Allah, et l'éducation est fournie par les parents. C'est-à-dire que les parents sont une cause. Si l'enfant est guidé bon et bien, alors c'est du bien sort du bien. Et dans le cas où il ne lui a pas été écrit la guidée et la piété, alors ce qui est auprès d'Allah Azza wa Jal comme hasanat de cette femme et la récompense, tout cela est meilleur et ne se perdra jamais. Et ne se perdra jamais. Et s'il y a plusieurs enfants et qu'il y a encore plus de miséricorde, naam, alors la miséricorde d'Allah ne sera que plus grande sur cette femme-là et la récompense que plus grande. Wallahu wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yarhama ummahatina. Et c'est Allah Azza wa Jal qu'on demande d'avoir pitié, de faire miséricorde aux mères des croyants, à nos mères. Le chapitre suivant. Et j'oubliais, j'ai cité l'exemple de la Mada du bateau qui a coulé. Et je vous cite un exemple personnel qui a été récurrent. Qui a été récurrent, c'est que ma mère, rahimahallah, alors qu'on prenait le repas, il y avait une tasse de la nourriture et il y avait, nous étions Mada, 5 ou 6 à table. Naam. Il y avait un plat. Il y avait très certainement Mada, du riz ou autre. Et il y avait quelques cuisses de poulet. Naam. Il y avait quelques cuisses de poulet. À supposer qu'il y en avait deux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé. Naam, elle a partagé. Elle avait sa part devant elle. Et nous, On mangeait rapidement pour en avoir le plus. Naam, on mangeait rapidement notre part de poulet. Et certains avaient fini leur part. Et j'ai observé ma mère, rahimahallah. Et cela s'est passé il y a plus de 30 ans. Mais ça m'a marqué jusqu'à ce jour, rahimahallah. C'est que il y a eu une mini dispute, disons, naam, sur une part. Qu'a-t-elle fait? Elle a pris sa part, naam, et elle l'a partagée entre ses enfants. Elle a pris sa part, elle l'a partagée entre ses enfants, et une minorité parmi eux n'ont pas accepté, lui ont dit, non, mange, maman, prends ta part, prends ta part, prends ta part. Mais elle a fait mine de manger un minimum, elle a laissé le reste pour nous. Ça, c'est un exemple. Naam, ça, c'est un exemple qui montre la grande pitié, la grande miséricorde. Et subhanallah, la pitié qu'a la mère envers ses enfants peut être une cause de guider pour l'enfant et être une cause qu'il délaisse un chemin qui est mauvais. Tellement il voit de la pitié, de la miséricorde, il se dit, je vais trop faire mal à ma mère si je fais telle chose ou s'il m'arrive telle chose. Alors il le délaisse. Alors il le délaisse. Tout cela pour vous dire quoi? Que la grande miséricorde qu'Allah Azzawajal a mis dans le cœur des mères, de cela découle beaucoup de bénédictions, beaucoup de biens. Et s'il en est ainsi, à l'enfant, naam, de répondre à cette miséricorde par la bienfaisance et par la miséricorde. Wallahu al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le chapitre suivant, Babun Qublatus Sibyan. Le chapitre suivant, Embrasser les enfants. Embrasser les enfants. Embrasser les enfants fait partie de la miséricorde envers eux. Qu'Allah Azzawajal, cette miséricorde qu'Allah a mis dans le cœur des parents et même des proches et même des moins proches envers les enfants. Et le prophète alayhi salat wa salam nous dit, Laysa minna man lam yarham sarirana. Ne fait pas partie des nôtres celui qui n'a pas de miséricorde envers nos petits. Naam. Donc il y a dans notre législation la miséricorde envers les enfants, le fait de les embrasser amène à se faire aimer, apprécier d'eux. Ça établit un lien, donc ça permet de transmettre le message plus facilement, avec un cœur plus ouvert, une poitrine plus détendue. Et ça fait entrer la joie dans le cœur de l'enfant. Et il grandit dans le bien, et il se sent aimé, et il trouve bonne compagnie. Et c'est pour cela qu'on trouve dans beaucoup de hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il embrassait ses enfants, il embrassait ses petits-enfants. On a déjà mentionné le hadith, lorsqu'il a pris son fils Ibrahim, il l'a porté, il l'a embrassé, jusqu'à même le sentir. Et pareil pour Al-Hassan, son petit-fils, il y a plusieurs hadiths dans ce sens-là. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous mentionne le hadith « Ana Aishata radiallahu anha qalat »« Ja'a arabiyun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam faqal » أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ Selon Aïcha رضي الله عنها, un bédouin vint voir le prophète صلى الله عليه وسلم et demanda: Embrassez-vous vos enfants? Nous, on ne les embrasse pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que puis-je pour toi si Allah a ôté la miséricorde de ton cœur? Un bédouin a vu que les gens à Médine embrassaient leurs enfants. Embrassaient leurs enfants. Alors il a posé la question de celui qui est étonné, de celui qui voit un fait inhabituel. Il a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Atuqabbiluna sibyanakum »« Embrassez-vous vos enfants ?» Naam, pour lui, c'est une chose étrange. C'est une chose sur laquelle il n'a pas grandi. C'est une chose qui n'est pas habituelle auprès des siens. Puis il a dit, en décrivant sa situation, « Ma nuqabbiluhum »« Ma nuqabbiluhum » »« Nous on ne les embrasse pas. » Peut-être que dans sa région, c'était une forme de bassesse dans la masculinité, ou bien un manque de charisme, ou autre idée qu'on peut trouver dénaturée dans certaines contrées. Tu peux trouver dans certains peuples ou dans certaines régions des us et coutumes et des habitudes qui sont blâmables, mais ils n'ont grandi que dans cela, et ils ont eu l'habitude de cela. Naam, ou c'est mal compris. Ou c'est mal compris. Le prophète, alayhi salat wa salam, lui a répondu, que puis-je pour toi si Allah a ôté la miséricorde de ton cœur? Allahu Akbar. C'est-à-dire, je ne peux repousser cela. Si Allah a décrété pour toi cette dureté du cœur et ôté de ton cœur cette miséricorde, c'est l'ordre d'Allah. Et lorsqu'Allah décrète, le serviteur ne peut rien faire. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, « Laysa laka min al-amri shay'. » Tu ne possèdes aucune part de cette affaire. À la fois, tu ne possèdes aucune part de cette affaire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'am, n'a aucune part dans l'ordre divin. C'est Allah azza wa jal qui décide. La guider, la réforme, c'est grâce à Allah. Et c'est dans la main d'Allah, seul sans associé. Et lorsque le prophète alayhi wa sallam lui pose cette question, le sens c'est la négation et c'est le blâme. C'est le blâme. Et remarquez le lien et la corrélation qu'il y a entre le fait d'embrasser ses enfants et la miséricorde. Et remarquez donc le lien qu'il y a entre l'aspect apparent et l'aspect caché. L'aspect visible et celui qui ne l'est pas. En d'autres termes, le prophète alayhi salatu wassalam a témoigné d'un problème intérieur suite à un fait extérieur. Le prophète sallam a témoigné d'un fait extérieur ou a utilisé un fait extérieur pour témoigner de l'intérieur. Celui qui a de la miséricorde dans le cœur, ça fera bouger son être et Mada, il embrassera ses enfants. Il embrassera ses enfants. Donc, le fait d'embrasser ses enfants, c'est un signe de miséricorde qu'Allah a mis dans le cœur du parent. C'est une douceur. C'est de l'affection. Naam. Si cela n'est pas visible, si les effets ne sont pas visibles, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a enlevé du cœur de la personne cette pitié, cette miséricorde. Et dans le recueil de l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani dans le recueil de l'imam muslim, Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, et vous connaissez tous Anas ibn Malik, khadim rasulillah, pendant 10 ans il a été au service du prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, ma ra'aytu ahadan arhama bil'iyal min rasulillah sallallahu alayhi wassalam. Je n'ai jamais vu une personne ayant plus de miséricorde envers les enfants que le messager d'Allah sallallahu alayhi wassalam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, c'est un geste gratuit. Naam, c'est un geste gratuit. C'est un geste qui ne coûte aucun effort et qui ne prend que quelques secondes. Et qui ne prend que quelques secondes. Priver l'enfant de cela et se priver soi-même des nobles caractères. Ajoutez à cela que le fait d'embrasser l'enfant a un effet sur non seulement sur le cœur du parent, mais sur le cœur de l'enfant. Ça dissipe la dureté, ça dissipe la dissension, ça amène la cohésion, l'affection, la proximité. Ça a un effet également dans son développement et son éducation. Naam, il grandit loin des troubles, il grandit loin de la rudesse, il grandit loin de la transgression et de l'injustice. C'est pour cela que l'islam nous est venu avec ce comportement envers les enfants. Barakallahu fikum. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam embrassa Hassan le fils de Ali. Et il y avait auprès de lui assis Al-Aqra ibn Habis al-Tamimi. Donc, Al-Aqra ibn Habis al-Tamimi était assis auprès de lui. Radiallahu anhu. Et il a dit, j'ai 10 enfants. Et je n'en ai jamais embrassé un seul. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le regarda et lui dit « Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fait pas miséricorde. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fait pas miséricorde. » Il a dit cela une fois. Dans ce hadith, on voit notre exemple, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit Allah dans le Coran, dans surat al-Ahzab, « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Naam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé son petit-fils Al-Hassan, fils de Ali Fatima radiallahu anhuma. Et lorsqu'il embrasse, c'est un signe de sa pitié, c'est un signe de sa miséricorde, de sa douceur, de sa bienfaisance. Al-Aqra a cité, en voyant cela, la situation dans laquelle il se trouvait. C'est-à-dire qu'il n'embrassait pas les enfants, car il a grandi loin des enseignements de l'islam. Mais par la suite, Allah l'a guidé, et il a appris sa religion. Il a appris sa religion et s'est réformé. Car celui qui vit loin des enseignements islamiques, loin de la sunna, loin de la science, loin des hommes vertueux, naam, peut grandir loin de la douceur, de l'affection, de la miséricorde. Naam, mais dès lors qu'Allah le guide et lui facilite l'accès à la science et les assises de science et la fréquentation des personnes vertueuses, alors il se corrige, il s'améliore et s'éduque. Alors il devient un grand arbre enraciné, ayant des branches qui s'élancent dans le ciel, donnant les meilleurs fruits à chaque moment. Il dit donc, j'ai 10 enfants. Et lorsqu'il dit 10 enfants, j'ai beaucoup d'enfants et j'en ai jamais embrassé. Ni parmi eux, ni même un seul. Le prophète l'a regardé. Et lui a dit, « Man la yarham la yurham. » Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fait pas miséricorde. À nouveau une preuve que d'embrasser les enfants est une sorte de miséricorde. Et celui qui n'a pas de miséricorde n'embrassera pas les enfants. Et là, on voit la règle dans la religion d'Allah Al-jaza'u min jinsi l'amal. La rétribution est selon l'action. La rétribution est selon l'action. Naam, comme tu fais, tu reçois. Comme tu fais, tu reçois. Le prophète a dit, Irhamu man fil ard, yarhamkum man fil sama'. Ayez de la miséricorde envers ceux qui sont sur la terre. Celui qui est au-dessus des cieux aura de la miséricorde envers vous. Donc ici, on nous appelle à la miséricorde, et plus particulièrement à celle envers les enfants. Envers les enfants. Cette miséricorde, c'est ce avec quoi a été envoyé le prophète alayhi salatu wassalam. Allah dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ dans Sourate Al-Anbiya, et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. C'est une miséricorde pour les mondes. Et la plus grande miséricorde, c'est le plus grand signe, c'est d'inviter les gens à rentrer dans cette grande religion. Et le prophète sallam a atteint la plénitude de cela. Jusqu'à ses derniers souffles, il a transmis le message, il a conseillé la communauté, il leur a fait connaître leur religion, leur seigneur immense, sa propre personne, Mada, cette voix. Tout cela par pitié et miséricorde envers l'ensemble des mondes. Donc cette religion, c'est la religion de la miséricorde. Le chapitre suivant, Babu, Adabu l'Walidi, Wabirruhu l'Iwaladi. Le chapitre suivant, la bonté du père envers son fils. L'éducation de l'enfant et la bonté du père envers son fils. Ce qui est voulu par ce chapitre, c'est la bienfaisance du père envers ses enfants. Sa douceur, ses dépenses, son équité envers eux, sa générosité envers eux, et tout ce qui entre dans ce chapitre. Le fait que le père éduque son enfant, l'oriente, ne le délaisse pas, ne l'abandonne pas, fait partie de l'éducation et de ce qui plaît à Allah Azza wa Jalla. Et c'est ce qu'Allah nous a ordonné dans le Coran, dans Sourate Al-Tahrim, lorsqu'il nous dit. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillez par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah ce qu'il leur commande, faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Ali ibn Abi Talib dit Ay addibouhum wa allimouhum. On rapporte de Ali ibn Abi Talib qu'il a expliqué ce verset en disant c'est-à-dire éduquez-les et enseignez-leur. Et parmi les textes qui sont faibles mais dont le sens est vrai, As-salahu min Allah wa al-adabu min al-aba. La piété vient d'Allah et l'éducation des parents. C'est-à-dire que les parents fournissent des efforts et font les causes. Naam. Et conseillent leur enfant et éduquent l'enfant, enseignent à l'enfant, le poussent vers le bien, l'éloignent du mal. Mais la guidée du cœur, la réforme, naam, la piété, seul Allah Azza wa Jal détient cela et peut l'accorder. Celui qui fournit les efforts, comme Allah Azza wa Jal lui a commandé, sera récompensé, même si l'enfant ne suit pas la droiture. La guider dans la main d'Allah, il ne faut pas se lamenter et penser avoir échoué dans tous les cas. Non, si tu fais les causes, et si tu demandes à Mada, yani, l'homme, il consulte son épouse, la femme, elle demande à son mari, ses parents, ainsi de suite, ses amis, les gens de science, elle fait toutes les causes. Et au final, l'enfant, il s'égare. Ben, la guider dans la main d'Allah. La guider dans la main d'Allah. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et dans Surat Fatir, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana, fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, fala tadhhab nafsuka 'alim hasarat, inna Allah 'alimun bima yasna'un. Allah Azza wa Jalla dans ce verset nous dit, certes Allah guide égare qui il veut et guide qui il veut. Certes, Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Barakallahu fikoum. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous mentionnons le hadith عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه انطلق رضي الله عنهما أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا فقال أو كل ولدك نحلت أو أكل ولدك نحلت قال لا قال فأشهد غيري ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. النعمان بن بشير rapporte que son père partit chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en le portant et dit « Au messager d'Allah, je te prends à témoin que j'ai donné sans contrepartie à An-Nu'man ceci et cela. » Il demanda « As-tu agi ainsi avec chacun de tes enfants ?» Il répondit « Non. » Alors il lui répondit « Prends un autre témoin que moi. » Puis il poursuivit « Ne te réjouirais-tu pas qu'ils soient tous égaux dans la bonté envers toi ?» Il acquiesça, bien sûr que oui. Il lui dit, alors, donc n'agis pas ainsi. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit, le témoignage du prophète sallam n'est pas une permission. On expliquera cela, incha'Allah ta'ala. Dans ce hadith, An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, nous dit que, étant petit, son père est parti trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, en voulant le prendre comme témoin d'un don sans contrepartie qu'il souhaitait lui faire. Et il nous dit dans ce hadith que son père, Yahmilou, le portait. Et ça, c'est encore une miséricorde des parents. Il porte l'enfant. L'enfant peut être porté pour plusieurs sagesses. Par pitié, tout simplement, par amour. Non, par amour. Il peut être porté par besoin, parce qu'il y a une longue distance, ou parce qu'il est fatigué, et ainsi de suite. Et le fait de porter l'enfant, ça a un effet qui touche même la mère de l'enfant. Si elle voit que son enfant est porté, elle aura de l'amour, du respect, de la considération pour l'époux, ou pour ses proches. Naam, ou pour ses proches. Et là, le père de Nu'man, radiallahu anhu, se rend donc auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit que j'ai donné à Nu'man, sans contrepartie, ceci et cela. Donc il lui offre, pas par mérite, pas par ceci, non, simplement comme ça, alors qu'il a d'autres enfants. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui pose la question, est-ce que tu as donné à chacun de tes enfants pareillement à ce que tu as donné à An-Nu'man, où tu as spécifié, yani tu as singularisé An-Nu'man par ce don. Et il y a une, ici, il y a une grande leçon pour le mufti, celui qui répond. c'est le fait de questionner le questionneur afin de pouvoir lui répondre avec justesse. Il ne faut pas répondre à certaines questions tant que on n'a pas tous les éléments. Naam, tant qu'on n'a pas tous les éléments. Une fois que le père lui répond, radiallahu anhu lui répond, non, il a donné simplement cela à Nu'man, le prophète lui dit, fa'ashhid ghayri. Il prend autre que moi en témoin, ici c'est pour le sanctionner, le blâmer, l'éloigner et lui montrer que c'est une erreur. Lui montrer que c'est une erreur. Puis le prophète alayhi salatu wassalam l'éduque. Il l'éduque sous la forme de questions-réponses pour l'amener à déduire, l'amener à la déduction. Il lui dit, ne te réjouirais-tu pas qu'ils soient égaux dans la bienfaisance envers toi, dans la bonté envers toi? Naam. Cette méthodologie dans la discussion et l'enseignement est excellente. Pourquoi? Parce que ça amène à la résolution de la personne qui est en face. Elle va se résoudre à accepter tes dires, pleinement les accepter. Naam, ça va te convaincre pleinement. Naam. Il y a le dialogue, il y a la discussion, mais ça amène à être convaincu pleinement. Et celui qui est pleinement convaincu d'une chose, il va la faire avec excellence. Pas comme celui qui va te dire oui juste pour obtenir des choses de ce bas monde, ou il va te dire oui pour passer à autre chose. Non, ici c'est la personne qui, en son fort intérieur, est convaincue et qui donnera donc les meilleurs fruits par la suite. Donc, ne te réjouirais-tu pas qu'ils soient égaux dans la bonté envers toi? Ou alors, préférerais-tu, en d'autres termes, que certains soient bons et d'autres moins bons et d'autres mauvais? Naam. Il lui répond, bala. Bien sûr que oui. J'aimerais qu'ils soient tous bienfaisants envers moi. Rosselm lui dit alors, n'agis pas ainsi. N'agis pas ainsi. Car si on discrimine certains de nos enfants et on spécifie certains par des dons sans contrepartie et on en prive d'autres, ça sera une cause de division, une cause de jalousie, une cause de haine, une cause de trouble, une cause même d'agression. Naam, et toi tu seras en tête de liste dans les nuisances, c'est-à-dire que tu seras toi-même touché par ces nuisances. Et dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ne te réjouirais-tu pas qu'ils soient tous égaux dans la bienfaisance? Il y a ici l'ordre de l'équité envers les enfants. Naam, de l'équité envers les enfants. On n'a pas dit l'égalité. On a dit l'adl, la justice et l'équité. L'équité, c'est pas forcément donner à chacun la même chose. Naam. Certains sont tellement aveuglés par leur affection pour leur enfant qu'ils pensent, ou qu'elles pensent, en général des femmes, que si celui qu'elles préfèrent, par exemple, naam, il doit avoir la même chose. À supposer qu'un des enfants ait 10 ans et que l'autre ait 2 ans, mais subhanallah, comment est-ce qu'on pourrait donner la même chose à l'enfant de 10 ans, naam, dont les vêtements coûtent tel prix, dont il va faire telle et telle activité, la même chose à l'enfant de 2 ans. La même chose à l'enfant de 2 ans. Bien évidemment que ceci, naam, n'est pas de l'équité. Ceci est plus proche de la bêtise qu'autre chose. Barakallahu fikum. Donc, il y a une deuxième chose sur laquelle on attire notre attention. C'est que, en général, sur qui les parents, yani vers qui les parents vont le plus pencher? En général, le plus petit, le dernier, le petit dernier. Naam, il est plus embrassé que les autres, il reçoit plus d'affection que les autres, il est plus défendu, on passe plus sur ses fautes, on laisse plus passer. On peut même disputer les grands à cause de la faute du petit. même lorsque les grands sont innocents. Le cœur penche vers le petit. Et lorsque ses grands frères vont voir cela, ça fera naître dans leur cœur une haine envers cet enfant. Et ils pourront même chercher à lui nuire. Ils pourront même chercher à lui nuire. Et l'histoire de Youssouf alayhi salam n'est pas loin de vous dans le Coran. Yaqub alayhi salam a agi, naam, avec excellence. Lorsque Youssouf alayhi salam a fait son rêve, إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك oh mon fils. Lorsque Youssouf a vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant lui, Yaqub alayhi salam lui a dit: oh mon fils, ne raconte pas ce rêve à tes frères, sinon ils vont ourdir contre toi, ils vont comploter contre toi. Yaqub alayhi salam demande à Youssouf de cacher la chose. Sinon, de la jalousie va naître dans leur cœur, sinon ils pourront lui faire du mal. Est-ce que cela être injuste envers ses enfants ou être sage et avenant et prémunir ses enfants contre le mal? Mais certes, l'ignorance détruit plus la personne que son ennemi. Donc, Yaqub alayhi salam a préservé Youssouf. Malgré ça, l'information s'est propagée. Malgré ça, malgré ça, ses enfants ont vu que Youssouf était plus aimé. Malgré ça, les enfants ont comploté contre lui jusqu'à le kidnapper, jusqu'à penser à l'assassiner, jusqu'à le jeter dans un trou, dans un puits, et le laisser pour mort. Allah al-Musta'an. Et l'histoire de Youssouf est dans le Coran. L'histoire de Youssouf est dans le Coran. Barakallahu fikum. Donc ça, c'est un point très important, particulièrement lorsqu'il y a un petit. Particulièrement lorsqu'il y a un petit, on a tendance à être injuste envers les autres. Là, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et faire attention. Et s'il y a un préféré, comme souvent, il ne faut pas le mettre en évidence. Il peut y avoir un enfant plus intelligent, plus affectueux, plus gentil, plus doux que les autres. On le préfère, tout naturellement. Mais il ne faut pas que ce soit flagrant. Il ne faut pas que ce soit flagrant entre les enfants. Il ne faut pas que ce soit flagrant entre les enfants. Et si la mère n'a pas cette intelligence-là, ce recul-là, même à la mère, tout comme mais c'est caché aux enfants, alors c'est caché à la mère. Si le père n'a pas ce recul-là, cette intelligence-là, ben la mère également, elle cachera ses préférences au père, à son époux. Barakallahu fikoum. Au final, le prophète sallam a donc dit qu'il ne pouvait témoigner de cela. Il l'a orienté à l'équité envers les enfants. L'imam al-Bukhari dit « Laysa shahadatu min nabi sallallahu alayhi wa sallam rukhsa » Dans le cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait témoigné, s'il avait témoigné, en aucun cas, cela aurait été une permission. Que veut dire la parole de l'imam al-Bukhari? C'est-à-dire que si le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam avait témoigné du don qu'il a fait à An-Nu'man, cela n'aurait pas rendu cette action licite pour autant. S'il n'avait pas questionné, s'il n'avait pas demandé des détails, le prophète aurait témoigné de son don. Mais le fait qu'il ait interrogé, il a su qu'il n'avait pas été équitable, alors il n'a pas témoigné. D'accord. Dans le cas où il avait témoigné, s'il avait témoigné, est-ce que cela aurait rendu licite son action? Non. C'est ce que veut dire ici l'imam al-Bukhari par sa parole. Car l'équité est une base de la religion qui est demandée. Et on a un autre hadith du même dans ce sens-là. C'est lorsque les gens sont venus débattre auprès du prophète pour un différent, le prophète a dit: il se peut que l'un de vous soit plus convaincant dans son argumentation que je tranche en sa faveur. Mais attention, si je tranche en sa faveur et qu'il est l'injuste dans cette histoire, naam, et en est telle chose lui arrivera chez Allah. C'est-à-dire que c'est pas parce que je tranche en sa faveur selon ce qui est apparent, dans le cas où il est mauvais, que ça sera une excuse pour lui auprès d'Allah. Afwan auprès d'Allah Azzawajal. Même si on nous donne raison, alors qu'on sait qu'on a tort, ça ne rend pas licite. Ça ne rend pas licite. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il est interdit dans tous les cas de donner une récompense à l'enfant qui a particulièrement bien agi. Naam, de le spécifier avec une récompense ou autre. Naam, par exemple, si on dit, celui qui range, celui qui fait la vaisselle, on lui récompense de telle et telle chose. Personne ne veut faire la vaisselle. Un enfant vient et fait la vaisselle, alors on lui donne. Est-ce qu'on va dire qu'il faut donner à tout le monde? Non. Là, il s'est distingué par une action particulière. Alors ça lui revient à lui seul de droit. Ou on fait un concours entre les enfants, celui qui mémorise cette semaine, cet hadith, on lui donne telle récompense. Celui qui mémorise une page de Coran, ou une demi-page de Coran, ou deux lignes de Coran, on lui donne telle récompense. Pour les motiver, pour les encourager. Dans cela, il n'y a pas de mal. Dans cela, il n'y a pas de mal. Et avant de s'arrêter, beaucoup posent la question sur les concours, les jeux concours. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est permis? Le prophète alayhi salatu wa salam a permis la récompense pour les concours pour deux activités, pour les courses de chevaux et pour le tir à l'arc. Les savants rattachés, comme on m'a fait profiter de cette faïda aujourd'hui, les jazakumullahu khayran, ont rattaché à cela la science, le domaine de la science. Donc, ce sont les seuls domaines, et ceux que les savants rattachaient à cela également, où on peut faire un jeu concours avec une récompense à la clé. Avec une récompense à la clé. Barakallahu fikum. Hadha wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demain, inshallah ta'ala, à 15h, je donnerai une conférence qui aura pour thème Al-Hathu ala talib al-ilm, l'encouragement à la recherche de la science. L'encouragement à la recherche de la science. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.